Bonjour, ici Martin Archambault de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous écoutez le podcast Auto avec Luc Desormeaux et ses collaborateurs. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 25 août 2015, Luc Desormeaux au micro, j'animerai ce beau programme ce soir comme tous les soirs finalement. Ce soir j'ai trois de mes comparses avec moi, on va commencer par Martin Archambault, salut Martin. Salut tout le monde, ça va bien? Ça va très bien toi? Good, ben oui. Martin Delavec qui va venir nous parler voiture électrique ce soir. Et puis, j'ai aussi, deux de mes habitués. Vous les avez entendus la semaine passée, la semaine d'avant, je me rappelle bien aussi. Jean-François Beaulieu. Salut, Jean-François. Salut. Ça va bien? Ben oui. Oui, et Martin Sagala. Salut, Martin. Salut, Luc. Salut tout le monde. Bonsoir, messieurs. Donc, merci encore d'être là avec moi ce soir pour jaser hors voiture. On va commencer avec Martin. Martin qui va nous donner les dernières nouvelles dans l'univers de la voiture électrique. Il se passe beaucoup de choses ces temps-ci. C'est un domaine en pleine expansion, la voiture électrique, même si pour peut-être le commun des mortels, ça paraît pas. Pour ceux qui suivent ça, il se passe beaucoup de choses. Même si vous lisez vos journaux, il se passe pas une semaine nécessairement sans qu'on parle voiture électrique, qu'il y ait une nouvelle sur les voitures électriques. Là, on parle beaucoup de la Tesla. Même la presse parlait de la Tesla Model X la semaine passée, qui s'en vient incessamment. Donc, il y a beaucoup de nouvelles là-dessus. Martin, qu'est-ce qui se passe de bon dans le domaine de la voiture électrique? Ah, il se passe pas mal de choses, ça bouge assez vite. Faut dire que c'est une période de l'année, là, historiquement, dans la courte histoire de la voiture électrique. Les mois d'été et l'automne, je dirais, sont des mois où il se passe beaucoup de trucs, autant au niveau des annonces et aussi au niveau des développements et tout ça. Donc, plusieurs petites choses se sont passées par moment chez nous, par moment à l'international. Mais si j'en résume quelques-unes, disons que un point qui a retenu l'attention, c'est ce qui s'est passé le 18 août dernier, l'inauguration des bornes de recharge dans chez les magasins IKEA. Oui, je serais allé si j'étais pas en Mustang cette semaine-là, puis je me promenais avec ma livre, j'aurais été faire un tour parce que la borne du IKEA de Montréal est à 5 minutes du travail. Écoute, t'aurais pu venir. C'est sûr que ça aurait détonné un peu, mais quand même. J'aurais cherché à prise à Mustang. Ben oui, c'est ça. Mais t'aurais été le bienvenu quand même, remarque bien. Mais moi, j'étais là, l'AVEC était présent. On était des partenaires de ce projet-là. L'inauguration a eu lieu là à 9h30, 10h le matin pour le IKEA de Boucherville, puis vers les 11h, 11h30 pour l'autre IKEA de Montréal. Ça fait en fait de IKEA le premier magasin à annoncer l'installation de bornes dans tous ses points de vente du Canada. Donc, évidemment, certains diront la blague, c'est peut-être un peu plus facile pour IKEA que Tim Hortons ou Walmart, mettons, dans le sens où le nombre de magasins est un peu plus restreint au Canada. Là. C'est clair. C'est des beaucoup plus gros magasins avec beaucoup plus d'achalandage. C'est clair, c'est ça. En mettre 100 en avant de la porte, t'en as quand même moins à mettre que si Tim Hortons voulait en mettre une par magasin. Ouais. c'est sûr. Mais ça n'en demeure pas moins que, quand on connaît un peu la marque de commerce IKEA puis la philosophie de l'entreprise, c'est... tout à fait cohérent avec la philosophie de l'entreprise que de mettre des bornes de recharge dans ces magasins-là. C'est un beau projet. Ça a été bien mené assez rapidement en partenariat avec Sun Country qui ont procédé à l'installation des bornes de recharge. Donc, le 18 août, c'était l'inauguration, donc coupe du ruban. L'AVEC était là, les gens d'IKEA, bien entendu. Il y avait des représentants du Club Tesla Québec qui étaient là également, des gens de Sun Country. Ça s'est fait et ça s'est bien fait. Ça a été bien intéressant. Il faisait chaud, si vous vous rappelez. C'est une journée qui était chaude et humide. C'était quasi tropical, à la Plutôt, limite. le vrai était Cuba, Cuba à Ouais. Montréal. Exactement. Et puis, on était très bien reçus par les gens qui ont été aussi surpris de voir que une journée de semaine, on était capable d'avoir une vingtaine de véhicules électriques sur place pour commencer à Boucherville. Il y a eu un cortège entre Boucherville puis le magasin de Montréal par la suite. Donc, une vingtaine de véhicules, des Tesla, Leaf, il y avait Des volts. Les Volt, évidemment, en quantité, Ford Focus électrique, BMW. Il y avait une belle, il y avait deux Kia Soul, donc une belle représentativité des véhicules électriques. Donc, sur place pour les gens d'IKEA et les gens qui venaient magasiner, qui étaient plus ou moins au courant de ce qui se passait là, ben, la grosse tente de l'AVEC, les véhicules électriques, beaucoup d'achalandage, beaucoup de questions. Ça a permis de parler puis de démystifier un peu auprès des gens qui sont là. C'était aussi un. Des allocutions, conférences de presse. Donc, notre porte-parole, Robert Dupuis, était là, puis il a fait un petit speech, là, puis rappelé à la foule que c'est un mouvement qui est amorcé, qu'on est à tout près, les nouveaux chiffres vont sortir, mais on est à tout près de 5 000 véhicules électriques au Québec au moment où on se parle. On devrait, si on n'est pas dépassé 5 000, là, on est sur le bord, là. J'ai hâte de voir les chiffres pour le mois d'août, mais probablement qu'on est en haut de 5 000 à la fin du mois d'août. Non, c'est bon. Donc, ça bouge beaucoup. Puis on a aussi rappelé gentiment que pour des commerces comme IKEA, ben eux étaient surpris de voir qu'on était tous là en grand nombre, mais pour les électromobilistes, d'avoir des magasins comme ça qui se donnent la peine de mettre des bornes de recharge gratuites à l'entrée des magasins, ben c'est un incitatif très intéressant, surtout dans un magasin comme celui-là, où même si tu voulais, c'est humainement impossible d'entrer puis de sortir du magasin à moins d'une heure, juste faire les zigzags qu'il y a là-dedans, puis les deux étages, puis t'es pogné là pour un bout, anyway. Et sachant que ton auto est en train de se charger, ben peut-être que tu vas être moins pressé, tu vas prendre ton temps, magasiner un petit peu plus, décider de luncher au restaurant qu'il y a dans le IKEA avant de partir. Bref, ils sont gagnants, on est gagnants, tout le monde est gagnant. Donc, c'est pour les commerçants, c'est une bonne chose. Il y a même Robert Dupuis qui, à la blague, a dit, pour les commerçants, on est une clientèle intéressante parce qu'on est riche, riche parce qu'on paye plus de gaz. Est Ça bon. a fait les gens sur place. Donc, bien intéressant. C'est un des éléments qui retient l'attention et qui a une belle couverture. Espérons que d'autres magasins suivront le pas, bien entendu. Là, ils sont supposés faire toutes les IKEA au Canada. Ils ont commencé par les deux du Québec. Oui, exactement. Les deux du Québec. Puis on comprend pourquoi. 50% des véhicules électriques du Canada sont au Québec. Donc, on est comme le bullseye de la clientèle cible, là. Donc, évidemment, ils ont commencé par chez nous, mais ça va s'étendre là dans tous les magasins, y compris sur l'Ouest canadien. Donc, probablement que les deux propriétaires de véhicules électriques de la province pourront aller se charger au IKEA là-bas. Ouais, c'est Ils sont ça. Chacun avoir une borne avec leur nom dessus. Alors, Alberta, ils vont. ça se peut. Ça, c'est Ben, la borne de Bob, puis ça, c'est la borne de John. Puis c'est juste eux autres qui se stationnent là. Mais non, c'est bien. Puis en plus, le IKEA, en tout cas, celui de Boucherville, je peux pas te dire, mais il doit être bien placé aussi. Mais celui du IKEA à Montréal, il est juste sur le bord de la 40, à sortie Cavendish, là. C'est comme vraiment bien situé aussi, là. bon, ben toi, tu es proche de celui-là. Moi, celui de Boucherville, il est quasiment dans mon driveway. Fait Bon. que il est bien situé dans le sens où il est sur le bord de l'autoroute 20. Donc, quelqu'un qui fait Montréal-Québec, par exemple, là, peu importe la direction, c'est une des dernières sorties. Si vous savez où est Sainte-Julie, sur l'autoroute 20, là, où est le McDonald's à Sainte-Julie, c'est la sortie suivante, juste à côté de ça. Il y a un gros centre d'achat extérieur qui s'appelle Place Rive-Sud. Il est juste à côté, on le voit très bien de l'autoroute 20 d'ailleurs. Donc, quelqu'un qui est sur le trajet Montréal-Québec par l'autoroute 20 le voit de l'autoroute, tu sors puis t'es rendu, t'es dans le driveway. T'as l'IKEA, puis t'as plein d'autres magasins à côté. Donc, à la limite, tu peux rester branché là, puis magasiné dans le coin, donc bien situé. Pas t'en parles de ça, par exemple. Je suis sûr qu'IKEA aimerait mieux que tu t'ailles manger des petites boulettes à la viande suédoise Ah, que ben ça, d'aller t'as pas le magasiner choix, je ailleurs. l'ai dit. Quand tu rentres dans l'IKEA, de toute façon, même si tu vas faire ça vite, puis Tu peux pas. tu peux pas. Fait que tu restes là, puis tu prends ton temps en plus parce que t'es content que ça charge. Ouais. Puis ça a l'air que les bornes chargent bien aussi. Il y a quelqu'un qui a posté sur Facebook aujourd'hui qui est resté 1 heure, puis il a regagné un bon pourcentage. Les bornes ont l'air rapides, puis ont l'air efficaces. Fait que... Oui, de mémoire, ils ont été installés à 50 ou 60 ampères. Là, évidemment, le chargeur du véhicule, à un moment donné, devient la limite, là. Ouais, c'est ça. Ils ont été mis avec une possibilité d'envoyer pas mal d'énergie. Et du moins à Boucherville, les gens qui ont procédé à l'installation nous disaient que le filage et toute l'électricité a été pensée pour être capable de doubler le nombre de bornes sans avoir à repasser d'électricité. Donc, ils vont regarder à la game. Ils sont conscients que le nombre de véhicules augmente. Ils sont aussi conscients que dans un délai difficile à estimer, peut-être que les 2 bornes ne seront plus suffisantes bientôt. Fait qu'ils ont déjà pensé mettre de l'électricité en conséquence. Donc, c'est quand même brillant de leur part, là, compte tenu qu'il y en a 2 bornes. Hein. Pour un gros magasin comme celui d'IKEA, il est possible que dans 2, 3 ans, 2 bornes, ça soit vraiment pas assez. Ils vont être équipés pour doubler le nombre de chargeurs. Ils ont quand même pensé à le refaire parce qu'il y a 2 bornes mais 4 places de stationnement. Oui, exact. Est-ce que Donc, le filage est assez long, j'imagine? Le fil pour le chargeur est assez long pour se rendre aux quatre oui, places, fait que j'imagine. si vous êtes familier avec le concept des bornes de rue comme celle qu'il y a à Montréal à côté du siège social d'Hydro-Québec, par exemple, c'est des bornes où le fil est suspendu, le câble est suspendu par un fil de métal dans les airs avec une poulie puis un contrepoids, là. Donc, tu tires puis tu fais descendre le fil de par en haut, ce qui te permet de l'étirer puis de l'amener comme quasiment 2 autos plus loin, là. Fait que, et ce, sans que le fil pende par terre, c'est-à-dire qu'il est dans les airs, là. Il y a comme une poulie avec un spring qui ramasse le fil par en haut, là, quand tu redonnes un peu de lousse, là. Fait que c'est exactement le même principe, les modèles de bornes Sound Country qui ont été installé avec le fil par en haut. Donc, tu es capable de l'étirer. À la limite, là, si, mettons qu'il y a un véhicule à gaz stationné dans un stationnement de véhicules électriques, tu peux te stationner à côté puis t'étirer le fil, là. OK, ah, c'est bien pensé. Ouais, ils ont fait une bonne job. J'imagine Sun Country doit avoir regardé la patente avec eux autres Ouais, ben ouais. pour voir ce qui était le mieux, là, mais félicitations. C'est Ben, c'est un belle beau initiative. projet. Ouais. Puis ça fait parler, IKEA fait parler d'eux, puis tout le monde est gagnant dans des trucs comme ça. Fait que c'est pas mal le fun. Ouais, bien intéressant. Dans un autre ordre d'idée, ben j'en ai parlé tantôt que j'avais hâte de voir les chiffres d'août, mais les chiffres de juillet, on les a. On sait combien s'est vendu de véhicules électriques en juillet. Fait qu'on est capable de comparer un peu le juillet 2015 avec juillet 2014 ou encore juillet avec les mois précédents de l'année. C'est toujours intéressant de regarder ça puis de se donner une petite idée de comment c'est vendu de véhicules. Ce qui est surprenant en fait, ou ce qui est surprenant oui et non, on voit que le nombre de Volt est encore la vente de Volt est très bonne actuellement. Ça avait stagné un peu avec les annonces du nouveau modèle avec des capacités un peu plus intéressantes au niveau de l'autonomie de la batterie. Oui, mais Mais là, comme ça a l'air d'être le char qui est annoncé, mais qui n'a pas de date de sortie encore, le mais monde la dit cette Volt a année. été comme ça pendant longtemps. Oui, c'est ça. Ouais, puis en plus là il y a des incitatifs intéressants aussi pour les modèles de cette année. Ouais. Je pense que ça paye un peu au niveau des ventes. Donc juste en juillet 2015, il s'est vendu 150 volts. Évidemment, c'est les chiffres pour le Canada, là, donc 150 volts au Canada. L'année passée, à pareille date, pour le mois de juillet 2014, ça en était vendu 132. Donc, un peu plus, s'en est vendu un peu plus dans le mois de juillet cette année que l'année passée, malgré l'annonce du nouveau modèle. Puis on peut penser qu'il y a certains consommateurs qui retiennent leurs achats pour le nouveau modèle. Donc, normalement, s'il n'y avait pas eu d'annonce du nouveau modèle, on aurait peut-être eu des ventes encore plus grandes. Donc, c'est quand même intéressant. C'est vendu 43 BMW i3 et i8, là. Donc, les statistiques, on les a, la i3, la i8 ensemble. La i8, ça n'en vend pas des tonnes par ici, là. Non, La ça doit i3, être 41 I3 pour 2 I8. quelque chose du genre. Quelque chose du genre. Mais c'est quand même intéressant. Si on pense que l'année passée, au mois de juillet, ça en était vendu 34, puis juste de janvier à juillet 2015, Il s'en est vendu 160. T'sais, fait que, donc, c'est 43 au mois de juillet, sachant que de janvier à fin juin, il s'en est vendu 160. C'est quand même une proportion. C'est une période de l'année, je l'ai dit tantôt, hein, qui est propice pour les véhicules électriques. L'été, il y a plein de gens qui font des essais, tombent en amour avec ça, on en voit un peu plus, on sort dehors. La i3 quand même, imagine combien il en aurait vendu s'il l'avait mis juste un peu plus mainstream. Effectivement. Ouais. Ouais, mais le prix aussi, le prix est quand même assez élevé pour quelque chose qui est dans le fin Oui, fond du fond, pas beaucoup plus performant qu'une Volt, là. non, non, t'sais, mais exactement. c'est un statement plus que d'autres choses. Bon, ouais, c'est ça. Ça reste une BMW, puis ça a l'air que ça se conduit comme une BMW. Fait que c'est un petit peu nerveux, un petit peu sportif, un petit peu, tu sais. Ça ressemble à R2-D2. Ouais, t'es pas fin pour R2-D2. On peut continuer, Martin. On voit qu'il y en a qui ont des partis pris, c'est correct. On a chacun nos On véhicules ne préférés. touche pas à mon R2-D2. Une première statistique intéressante, celle-là, par contre, c'est que maintenant qu'elle est disponible et qu'ils ont réussi à en avoir, la Kia Soul EV, 57 Kia Soul EV juste en juillet 2015 et 118 de janvier à fin juin. Ben, il en vendrait plus s'il y en avait. S'il y en avait, ben C'est ça. c'est ça. Ça, c'est l'autre point. C'est-à-dire maintenant que là, les ventes viennent de monter en flèche parce qu'ils en ont rendu disponible. Pas assez au goût des consommateurs, mais quand même, il y en a plus qu'il y en avait. Combien il y en aurait vendu s'il y en avait eu plus de disponibles et vont-ils être capables de maintenir la cadence? On ne le sait pas. Une chose est certaine, les aventures de commandes ou de précommandes de Kia Soul varient beaucoup d'une région à l'autre, d'un concessionnaire à l'autre, puis ça va ça fait 5 mois que je suis sur une liste d'attente assez bizarre. Moi, j'en ai parlé il y a 3 semaines, puis elle est déjà arrivée, tu sais. Fait que t'as de tout, là. Fait que ça, les gens comprennent comme pas comment ceux qui réussissent à en avoir rapidement réussissent, puis mais une chose est certaine, il y a un consensus sur les délais et la difficulté d'approvisionnement en Kia Soul EV, malgré une demande et des critiques qui sont quand même assez bonnes sur ce véhicule-là. Ouais. Donc, La voiture est intéressante. Je vais en reparler. Je l'ai fait l'essai. On va en reparler la prochaine fois que Martin va venir. On va se mettre ça à l'agenda. Puis, tu sais, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui ont des Kia Soul qui commencent à se plaindre de. Parce qu'aux États-Unis, il y a un service qui est Uvo, qui est la connexion un peu comme on a avec CarWings, avec la Leaf, où on peut avoir des informations. Puis, tu sais, puis c'est pas disponible au Canada parce qu'elle n'a pas été traduite en français. Fait qu'au lieu de la traduire en français puis l'offrir au Canada au complet, ben vu qu'elle n'est pas disponible en français, qui aurait décidé de ne pas l'offrir du tout au Canada à cause de ça? Ça comme c'est intelligent ça comme frustre un peu le monde, là. Mais bon, on verra s'il va y avoir des développements là-dessus. Mais j'ai beaucoup de propriétaires de Kia Soul électrique qui adorent totalement, sont en amour avec leur voiture, ils leur donnent des noms, puis c'est vraiment un amour profond. ouais. Mais l'expérience concessionnaire, l'expérience à cause du Uvo, puis des choses comme ça, les rend un peu amers en même temps. Fait que je trouve ça vraiment désolant parce que je l'ai roulé la Soul EV pendant une semaine, puis maudit que c'est une bonne voiture. Sur certains points, elle est mieux que ma Leaf. Sur d'autres points, elle l'est pas. Mais c'est vraiment une voiture le fun, pareil. Puis je trouve ça plate que des gens qui dépensent quand même un montant considérable pour une voiture comme ça ont pas nécessairement tout ce qu'il y aurait le droit d'avoir ou tu sais, sont un peu frustrés de certaines expériences vis-à-vis de la voiture. Mais bon, ça va se tasser avec le temps, là. Oh, certainement. Puis écoute, à partir du moment où il va y avoir du volume, puis elle va être disponible. Puis tu sais, en fait, ce qui est un peu étrange dans le cas de la Kia Soul, moi je me rappelle ma première Leaf en 2011. Il y a une pub qui a passé dans le temps des fêtes en 2010 où ils annonçaient la Leaf. Je me rappelle très bien, il y a eu un petit blitz publicitaire qui a duré 2 ou 3 semaines au Québec, là, puis il n'y en avait même pas de disponible. Je pense que c'est une stratégie pour faire connaître et savoir que ça s'en venait pour que le jour où ce soit disponible, il y ait des gens intéressés. Puis la stratégie est bonne parce que vois-tu, j'ai été l'un de ceux qui a commandé les premières directement du Japon parce qu'ils n'étaient pas disponibles ici, là. Puis par contre, quand ils ont été rendus disponibles, les Leafs, C'était pas trop compliqué d'en avoir. Évidemment, c'est le modèle, puis tout ça, là, il y a eu le. Ça coïncidait avec le tsunami au Japon, puis l'arrivée des véhicules a été retardée. Mais à partir du moment où les véhicules sont arrivés, c'était assez bien. Concessionnaire en avait, puis si ton concessionnaire n'en avait pas, l'autre le plus proche en avait, tu sais, c'était pas trop dur d'en avoir une. Et à partir du moment où ils ont été disponibles, il n'y a plus aucune pub. Là, on recommence à en avoir un peu, là, mais de Bon. 2012 à 2015, il y a eu à peu près zéro pub. Ben, Kia, c'est le modèle était l'inverse. assez caractéristique, il faisait sa pub tout seul, tandis qu'un Kia, et Exactement. le Kia Soul, il ressemble à un Kia Soul, là, que ben, si t'as pas l'œil averti, tu le sais pas. Tu ne Non, sauras pas nécessairement. Ouais. tout à fait, hein. Puis, par contre, eux autres, ils ont fait une publicité, tu sais, avec les petites Les souris, hamsters. tickets, Ouais. là, tes Oui. hamsters, là, t'en avais partout. Mais tu n'avais pas de Mais il n'y avait véhicule. aucun véhicule. Ouais, C'est ça. c'est un peu spécial, c'est un fait. Bon. Quoi qu'il en soit, si on lâche un peu la Kia Soul, puis on regarde ça du point de vue global, là, les chiffres pour Tesla arrivent toujours un peu plus tard, donc on n'a pas ceux de Tesla pour le mois de juillet. On les avait par contre pour juin. Si on analyse les premiers mois de l'année, puis on regarde un peu comment ça s'est comporté le mois de juin, donc si on prend celui-là, il s'est vendu 617 véhicules électriques au Canada au mois de juin seulement. Fait que c'est comme le. C'est très bon. Je pense que c'est le deuxième meilleur mois de l'histoire des véhicules électriques au Canada. Il s'est vendu, pour vous donner une idée, en un mois, là, donc le mois de juin, le véhicule électrique, c'est le plus vendu au Canada, c'est la Tesla Model S. On est rendu 242. 101 Nissan Leaf, 120 Chevrolet Volt. Là. Tu sais, je vous donne ceux qui s'est vendu pour la peine. Là, le reste, là, on est Sans dans. dit long, c'est priorité du monde quand même, hein? Oui, effectivement. Effectivement. Puis le reste, c'est tout en bas de 50. Tous les autres modèles, là, on est en bas de 50. Puis si on regarde, ça, c'est juin 2015. Le mois de juin, juillet, c'est toujours des bons mois. L'année passée, c'était 548 au total plutôt que 617 véhicules électriques. Puis l'année passée, c'était 104 Tesla pour 104 Leaf. Donc, on est à peu près nez à nez, alors que cette année, c'est 242 Tesla pour 101 Leaf. C'est quand même impressionnant. On parle d'un véhicule là, d'au-delà de 100 000 $ canadiens, puis c'est ça qui se vend le plus en termes de véhicules électriques dans un. Son autonomie est tellement attrayante. C'est en fait un véhicule que même quelqu'un qui reste comme moi dans le fond du bois, je pourrais m'en servir de façon réaliste dans la vraie vie. C'est ça. Tandis que même une Leaf comme Luc, moi je reste dans les montagnes dans le fond du bois, puis juste descendre, aller travailler, puis aller revirer en ville, faire des commissions, ça deviendrait un casse-tête épouvantable. Ben, Peut-être. descendre, ça irait bien, se remonter. Ouais, ben c'est ça. Tandis que une Tesla, je pourrais y aller, puis revenir, puis me recharger rendu chez nous sans me casser le bicycle, t'sais. Ben, c'est ça. Mais puis, tu sais, la Tesla va être bien attrayante pour quelqu'un qui voulait se magasiner une BM ou une Mercedes ou une C'est Audi. ça, là, devient encore Puis, plus intéressant. parce que surtout si ta compagnie te rembourse tes frais de déplacement, tes frais Ah, oh, d'essence, puis tout ça, quelqu'un qui est c'est payé au kilomètre merveilleux. sur ses déplacements, ça serait... Ben moi, j'ai quelqu'un à l'ouvrage qui a une P60, lui, une Tesla P60. Puis, lui, son déplacement, il travaille sa route, fait que son kilométrage est payé. Puis, Il c'est a devenu payé riche. non, mais ça paye son char. Ben oui, Tu sais? chance de payer tout seul. Fait que, tu sais, tant qu'à te payer une voiture, oui, tu sais, puis je parlais à Sylvain Juteau de rouler électrique quand il a acheté sa Tesla. Il dit, tu sais, dis-moi, j'avais une Volt avant. Puis je payais au kilométrage, puis mon kilométrage me payait ma Volt, puis il m'en restait. Il dit là, je conduis une Tesla, qui est une voiture, tu sais, à des années-lumière au-dessus de ce que la Volt est côté technologie, puis tout ça. Il dit, je conduis une Volt, mais il me reste plus d'argent de De mon Tesla. allocation, mais je conduis une Tesla. Hein. C'est ça, puis c'est une voiture totalement différente, puis on s'entend-tu que la Tesla. Si tout le monde pouvait se payer une Tesla, tout le monde s'en paierait une Tesla. J'en ai encore croisé une aujourd'hui, puis maudit que c'est un beau char. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est juste l'enfer. Mais bon, Mais ça donne l'opportunité de chauffer une grosse bagnole. C'était rendu très mal vu de chauffer une grosse bagnole. Ouais, puis plus là. Propulsion en plus. C'est même pas pire. Exact. OK. Fait que pour finir sur ce point-là, les boys, de janvier à juin 2015, donc premier 6 mois de l'année, il s'est vendu au Canada 2591 véhicules électriques. Je vous ai dit tantôt qu'il y en avait maintenant sur les routes près de 5 000. Donc, c'est 2591 dans le premier 6 mois de cette année seulement. Quand on explique que la croissance des véhicules électriques, c'est exponentiel, puis il s'en vend là, de plus en plus, puis ça double à toutes les années, mais on a un bel exemple là. Tu sais, on a quoi, peut-être 30% des véhicules sur les routes qui s'est vendu dans les derniers 6 mois. Fait que on est pas mal, pas 30%, mais peut-être 20%. Non. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est un nombre assez révélateur, là. De janvier à juin 2015, si je reprends les trois mêmes modèles que tantôt, là, qui se vendent beaucoup, dans le dernier 6 mois, c'est 984 Tesla, 488 livres, puis 425 volts. Donc, dans le dernier 6 mois, il s'est vendu plus de livres que de volts, mais si on regarde juste dans le dernier mois, il s'est vendu plus de volts que de livres, voyez-vous. Fait que c'est un peu ça. Puis si on compare avec les Kia Soul, ben de janvier à juin, il s'en est vendu 61. Fait que c'est loin derrière. Puis c'est essentiellement, comme on a dit tantôt, pour des difficultés d'approvisionnement, parce que l'intérêt, l'engouement, puis des gens qui en veulent puis qui attendent, il y en a plein. Et on a parlé dans une chronique il y a quelques semaines, mais moi, je peux vous nommer plein de gens, puis on les voit sur les forums à l'AVEC, on entend parler des gens qui disent: j'ai appelé mon concessionnaire aujourd'hui, j'ai dit qu'il pouvait enlever mon nom sur la liste d'attente, c'est trop long, je me suis acheté un livre. T'sais? Les gens se tannent à un moment donné, puis le goût d'avoir un véhicule électrique devient à un moment donné plus grand que celui d'attendre que la Kia Soul soit disponible, alors que c'était leur premier Encore choix. là, faut délai avec le service après. Oui, ben c'est ça. Non. Exactement. Puis les gens ont peur un peu quand ils voient que c'est compliqué de même. C'est la crainte après ça que le concessionnaire soit pas équipé pour l'entretien, répondre aux questions, etc., etc., là. Donc, les gens pognent un peu ont peur, puis ils changent d'idée, puis ils switchent vers un autre modèle. Puis c'est plate parce que dans le fond, ils se tirent un peu dans le pied avec cette mise en marché-là. Ouais. Un jour, ça va se replacer. Hey, un dernier petit point. J'avais annoncé dernièrement qu'il y avait on a parlé du réseau de bornes de recharge rapide, puis qu'il y avait beaucoup de chargeurs rapides, là, qui est en train de s'installer un peu partout au Québec. Il y a un plan de déploiement d'une cinquantaine de bornes d'ici l'an prochain, avec des emplacements déjà prédéterminés pour couvrir les grands axes routiers, la 40, la 20, la 15, la 10, etc. Il y en a une qui a été installée dans mon patelin il n'y a pas très longtemps, en fait il y a un mois, à Sainte-Julie, là, elle est tout près de la sortie de l'autoroute 20. Donc on sort de l'autoroute comme si on voulait s'en aller au McDo, puis elle est juste en face du McDo, là, de l'autre bord de la rue. Elle vient juste d'être installée, puis ben, étant de la ville, j'ai accès aux statistiques, aux informations sur l'usage des bornes, parce que voyez-vous, on a pas mal de statistiques sur l'usage des bornes, mais sur les bornes rapides, on ne reçoit pas de statistiques du circuit électrique, puis c'est très difficile d'obtenir des chiffres, quoi qu'on sait très bien qu'ils les ont. Par contre, les bornes rapides, ils sont installés en partenariat avec soit des villes, des organismes, etc. Et puisque il y a des redevances qui sont données en fonction de l'utilisation, ben évidemment, ces organismes-là forcément ont les statistiques d'utilisation pour être capable de justifier les redevances. Et puis, ben, je les ai eues pour celle de la ville de Sainte-Julie pour une période de 28 jours, donc du 17 juillet au 13 août, là, le moment où c'était mis en fonction. Puis il y a eu un 2-3 jours où la borne n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un problème dessus. Il y a eu 153 recharges rapides dans une période de 28 jours. Non, c'est bon. C'est Ah ouais. plus que bon, C'est même impressionnant. c'est même impressionnant. Bon, on sera pas trop chauvin, là. Je pense qu'on est capable de regarder la réalité en face. Il faut être capable de voir que simultanément ou à peu près pendant les mêmes dates, le chargeur rapide de Boucherville, qui est le plus proche, était en panne. Donc, forcément, il y a eu une dérivation du trafic. Là, les gens qui ont à voyager des longues distances puis qui n'ont pas le choix de se charger sur la rive sud pour y arriver, ben, ils sont pas allés à Boucherville, ils pouvaient pas, ils sont allés à Sainte-Julie. Quoique, l'autoroute 20 est un axe routier un peu plus populaire pour un trajet Montréal-Québec que la 132, puis le chargeur de Boucherville, il est sur le bord de la 132. Donc, il y a bien du monde qui allait à Boucherville, qui n'iront plus à Boucherville parce que c'est plus pratique pour eux autres de sortir à Sainte-Julie. Mais il y a quand même un certain pourcentage, 153, C'est sûr qu'il y a du monde qui serait allé à Boucherville puis qu'en désespoir de cause, ils se sont dit on va aller à Sainte-Julie aller se charger. Il y a aussi des curieux. Je disais, moi, je suis 153, il y en a une, je peux vous le dire, c'est moi. Puis j'ai pas besoin d'aller là parce que c'est à peu près 1,5 km de chez nous. T'es allé pour l'essayer, Je suis quoi. allé l'essayer, j'étais probablement le deuxième ou le troisième, là. Je pense que quand ils ont mis la switch on, je l'ai su, j'étais embarqué dans mon char, puis je me suis rendu, histoire de prendre une photo, mettre ça sur le site de la VEC, puis dire Yuhu est en fonction. Quoi qu'il en soit, c'est quand même, ça démontre, la ville a été très surprise, ne s'attendait pas du tout à ça, à cet achalandage-là. Puis la borne était mise en fonction avant même qu'il ait fini de faire tous les travaux de terrassement, puis d'aménagement, là, du stationnement, puis tout ça. Puis les gens avaient de la misère à travailler parce qu'il y avait toujours un, deux, puis trois chars qui étaient là, puis qui attendaient pour se charger. Vraiment, là, ils s'attendaient. Dans leur tête, là, il y aurait comme deux, trois chars par jour qui iraient là dans les grosses journées, puis ça serait probablement le soir quand ils ne travaillent pas. Puis, eh ben non, c'était les vacances, puis le monde de Drummondville décidait qu'il allait passer la journée à Montréal, puis arrêter ici. Il arrêtait à Sainte-Julie pour charger en chemin. Fait que ça faisait de l'achalandage, puis ils se sont rendu compte que le besoin était là, puis que l'idée d'en mettre une là, c'était une bonne idée. Fait que ça vous donne une idée, hein? Des fois, on se pose la question, c'est-tu utilisé, c'est pas utilisé. Des fois, on attendait des statistiques. Le circuit électrique a mis des bornes de recharge, puis il y a eu juste 5 utilisations en 2 mois. Ben, c'est sûr que si on prend les statistiques il y a 3 ans, puis on prend les statistiques aujourd'hui, ben, c'est plus 85 véhicules électriques que sur les routes du Québec, c'est proche de 5 000. Bien sûr, il y en a plus qui se rechargent, puis les bornes rapides, ben, les voitures maintenant, de plus en plus, ont soit des ports Chademo ou Combo qui permettent les charges rapides, à quelques exceptions près, comme la Volt, là. Et beaucoup de véhicules maintenant ont ça, puis les gens sont conscients de l'impact et de l'importance d'être capable de charger rapidement quand on veut utiliser un véhicule électrique pour des longues distances. Donc, les gens font le choix de prendre un véhicule dans le modèle qui a cette option-là. On pense entre autres dans la Leaf, là, tu as la S qui n'a pas de port de recharge rapide, mais la SV, la SL, là. Ouais, le SV, c'est une option, par exemple. La seule, elle a Ben là, de de base, ouais, ben, la SV, c'est un nouveau modèle, je pense pas. Je pense qu'elle est rendue de base sur la SV et la SL, là, Le faut. 2015, puis Ouais, OK. soit 2015 en OK. montant. Ouais. Ben, tu sais, moi, quand j'ai ma 2011, là, je l'ai pris, puis honnêtement, je l'ai utilisé 2 fois. Il n'y en avait pas de borne de recharge rapide, mais je savais pas à quelle vitesse il se déploierait le réseau, puis je ne prendrais pas de chance. Là. Quand tu connais ça un peu, tu fais le choix, mais la plupart des gens ne le prenaient pas. Maintenant, la plupart des gens le prennent. Tu sais, ils Ouais. sont intéressés à l'avoir. Quoi qu'il se vend encore beaucoup de modèles S, là, parce que les gens veulent payer le moins cher possible, mais de plus en plus, puis quand on parle aux gens, puis qu'on leur donne l'information, on leur explique que. Entre une S puis une SL ou une SV, voici les différences. De toutes ces différences-là, il y a bien des trucs que c'est une question de goût, d'esthétique, puis j'utilise du cuir, un radio de meilleure qualité, puis tout ça. C'est vraiment une question de goût, mais le port de recharge, ça peut devenir, dans certains cas, une question de le véhicule, il est viable ou il est pas viable pour moi, là, t'sais. Ouais. Donc, c'est un élément important, donc ça fait partie de. Des points sur lesquels il faut porter une attention particulière. Puis maintenant que les voitures ont le port, les gens sont conscients que c'est important, ça prend ces chargeurs-là. Il commence à y en avoir quelques-uns, ça grandit et le plan de déploiement du réseau étant annoncé, ben c'est prometteur pour plein de régions, pour relier plein de régions qui a mené jusqu'à présent, ben c'était plus ou moins viable là, un véhicule électrique, à moins de le faire à la Davy Crockett, puis de Oui, ben vouloir. c'est ça. C'était surtout les véhicules électriques sont prêts depuis longtemps. C'est surtout le réseau comme tel qui reste à. Il n'y a À pas de peaufiner, réseau. c'est C'est ça. ça. Ben, il y a pas. Il n'y en a pas, mais tu sais. C'est ça. Des bornes à recharge rapide, des ci, des ça, pour pouvoir. Tu sais, l'option, quelqu'un qui se planifie mal ou qui s'y prend mal, que ça ne prenne pas 3 heures pour réussir à peu près venir à bout de faire quelque chose. Exact. Là. Ah, À c'est ça. partir du moment où c'est là, puis on l'utilise, puis on l'utilise bien, mais il n'y a pas trop de problème. Mais viendra l'étape d'ensuite qui sera de dire, ben, il y en a partout, mais il n'y en a plus assez. Parce que là, Ben, c'est ça. ça va bien, là, parce qu'on n'est pas beaucoup, là. À 5 000, on se pile pas encore trop ses Ah, pieds. ben. Quoique, à Sainte-Julie, je peux vous dire que moi, il y a des soirs, je passe, là, puis il y a un char qui charge, puis il y en a deux en arrière qui attendent, hein. Fait que, ça va, tu sais. C'est comme une station de gaz. Ben, oui, mais une station de gaz qui dure 15-20 minutes entre chaque shot, là, tu Ouais. sais, mettons, C'est quand ça, t'es ça devient vite. long. C'est quand même moins payé que 4 heures. Ouais, oui, tout Ben, à c'est ça. fait. Puis si tu fais une longue distance, d'arrêter 15-20 minutes ou même une demi-heure, c'est pas pire. Mais tu peux pas arrêter sur un trajet normal de 3 heures. Tu peux pas faire 2 arrêts de 4 heures, là. Je veux dire, c'est Non, c'est ça. bon sens. Fait que Maintenant, on est capable de vivre avec ça, puis le volume fait qu'on est Ça, c'est capable de de. plus On en n'attend plus pas trop. ça fait du sens. Ouais, mais quand tu vas être rendu le 10 puis 12e dans le file d'attente, là, ça va commencer à en avoir un peu moins parce que ça va être 10 Eh oui. fois 15-20 Ouais, minutes. ben là, ça va être encore, ça va être à l'infrastructure de suivre. Je me rappelle d'avoir vu, à un moment donné, j'avais lu sur l'histoire de l'implantation des stations-service, des choses comme ça, parce que c'était bien beau qu'il y ait des automobiles un peu partout, mais des stations-service, tu ne vas pas te rendre n'importe où non plus, là. Non. Même dans les Effectivement. années 30, il y a des places où il était impossible de se rendre parce qu'il n'y avait aucune station-service. Il fallait partir là avec des bidons d'essence. Ouais, c'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, mais c'est partout. Ça va devenir comme ça avec l'infrastructure électrique à un moment donné. Équivalent de l'étape dans le parc. Ouais. Peut-être qu'un jour aussi, les stations d'essence vont allumer puis vont mettre des bornes de recharge Ben, des bonnes rapides, recharges t'sais. rapides, là, les couches À tables, des un affaires moment comme ça donné, pourrait être bien, là, t'sais, tu vas faire moins d'argent, mais tu vas faire de l'argent pareil parce que la personne va ben, arrêter de faire charger, moins va aller s'acheter d'argent. pareil son Ils vont café, faire de puis. l'argent sur ces bornes-là pendant qu'ils vont vendre du café, vendre sur ces bornes-là, puis vendre de l'essence dans les autres pompes en avant. C'est ça. Ils ont tous des grands stationnements tant qu'on n'est pas à Montréal. C'est un fait. Ben Bon. voilà, messieurs, c'est les points que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Super, merci Martin. Ça me fait plaisir. Puis petite finale vite vite, Jean-François, Tesla s'est fait hacker une Tesla S. Ouais, mais c'était pas par un accident, c'est vraiment voulu. C'est deux chercheurs qui ont décidé de se procurer une Tesla S qui a été fournie par la compagnie, puis qui ont décidé de vraiment la tenter de la pirater. Fait que ce qu'on fait, c'est ils ont tout enlevé, tableau de bord, tout enlevé le filage. On va essayer de trouver un moyen pour tenter de pirater la Tesla. Ça a été quelque chose d'assez difficile. Ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver une façon d'aller pirater la voiture. Ils ont été capables, en trouvant un fichier qui était dans une carte SD dans le système du véhicule. Par là, ils ont pu rentrer pour hacker le véhicule. Comment ils ont fait ça? C'est que avec des accès de serveurs physique, ils ont pu downloader puis tout compiler les logiciels de la voiture pour les amener vers un dossier qui n'était pas sécuritaire vraiment. Ensuite de ça, ben, ce qu'ils ont fait, c'est que après, ben, ils ont piraté le Wi-Fi, le réseau Wi-Fi de Tesla qui permet d'envoyer des messages au Tesla, au propriétaire de Tesla via la voiture. Fait à partir de là, ben, ils ont pu contrôler le véhicule grâce à un logiciel qui s'appelle le QT Car Vehicle. Fait ce qu'ils ont fait comme démonstration, c'est qu'ils ont la voiture roulait à faible vitesse, puis ont été capables de l'arrêter à distance via leur ordinateur. Sauf Chanson couette de que. fil de 2 pouces qui sortait du dash qui était complètement dévissée, mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'est Mais... ça. Mais là, en faisant ça, ils ont essayé de calmer les propriétaires de Tesla S parce que là, ils sentaient un peu les propriétaires paniquer un petit peu. Mais ce qu'ils ont dit On s'entend quand ça, puis la feuille de Chrysler, c'est... Oh, il y a une méchante différence, là. Ouais, mais faut pas capoter non plus. Non, c'est J'en ça. reparlerai pour finir, là, mais c'est ça. Parce que même Tesla S, eux, c'est quasiment eux qui ont décidé de faire le piratage de la voiture. Parce qu'eux, ils ont comme une genre de politique. C'est si jamais quelqu'un est capable de pirater la Ben, Tesla va quel donner un coup de langage! barrage. Comment? S'il y a quelqu'un capable de la pirater, ben, je l'engage. C'est à peu près C'est ça. quasiment ça, là. C'est quasiment ça avec Tesla. Puis, contrairement à Chrysler, qui a pris du temps avant qu'ils réagissent, puis qui ont décidé de faire un Ben, rappel. Chrysler a agi de la façon typique d'une compagnie automobile, Exact. puis Tesla C'est a ça. agi de façon typique d'une compagnie d'informatique. C'est ça. C'est ça. C'est Puis, pas la Tesla, même ce qu'ils ont chose. fait, ben, c'est qu'ils ont envoyé une patch tout de suite qui a corrigé l'erreur. C'est ça. Puis, comme avec le système Wi-Fi, ben, la patch est installée tout seul, Ouais. sans que le propriétaire ait besoin de l'installer tout ça. Fait c'est réglé. Il n'y avait pas grand-chose à paniquer, mais c'était vraiment pour montrer qu'une Tesla, c'est vraiment compliqué à pirater. Puis c'est pas comme la Chrysler, c'est pas comme les autres modèles. Ouais, c'est Bon, ben ça. encore là, c'est pas pour l'intérêt qu'il y a à pirater un véhicule dans la réalité, là. Ça sert à rien, là. Non, pas on va faire du mal, là. C'est ça, mais c'est ça. À part si, tu sais, j'écoutais le podcast d'Autoblog, le podcast aux États-Unis aujourd'hui, qui en parlait justement de hacking, de phénomène, parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à hacker OnStar puis appliquer les freins sur une Corvette. Oh boy. Mais c'est tout fait dans. C'est tout prévu, c'est tout des tests, c'est tout fait par des hackers professionnels, c'est tout fait à du monde C'est qui ont ça. accès à la voiture en partant. Ouais, c'est ça. Puis ça serait quoi le but que moi je fasse arrêter l'auto à Martin sur l'autoroute en la hackant à travers son, mettons, OnStar, tu sais. Ça sert absolument à rien, t'as aucun bénéfice. Les hackers, normalement, c'est là pour ramasser. Il faut que ça Non, soit un bénéfice monétaire au bout de la ligne. ouais, c'est ça. Hacker un Dans la ordinateur. réalité, à part prendre en otage le véhicule qui fonctionne plus tant que t'as pas payé une rançon, puis encore là, ça devient stupide. C'est Mais il n'y ça. a pas C'est ça. grand-chose. T'sais, les seules applications débouchées que je vois pour ça, c'est des systèmes pour overrider un véhicule, exemple dans une poursuite de police qui fermerait la switch, puis l'auto se parquerait tout seul, Et voilà. des choses comme ça. En dehors de ça, je vois même pas d'application en bout de ligne. Non, mais ça pourrait, le FBI et puis la NSA pourraient peut-être être intéressés par le système. Mais tu sais, justement pour arrêter complètement une voiture au lieu de faire une poursuite sur 20 km, ben Ouais, dans le milieu d'une ville, t'arrêtes puis le char, c'est tout. Mais tu sais, tout ça a été fait avec du monde qui ont eu accès physiquement à la voiture, à faire des recherches à l'intérieur de la voiture, à trouver une faille parce qu'ils ont eu la voiture dans un garage, dans un laboratoire pendant des journées, des semaines. oui, C'est, on t'sais, parle de trucs tellement deep que la plupart des gars qui ont fait ça ont probablement pas de blonde et n'ont pas vu une femme depuis des années. peut-être, à part peut-être sur Internet, t'sais. Mais tu sais, justement, t'sais, la chance, t'sais, paniquez pas, là, la chance que quelqu'un hack votre auto à vous, là, ou la mienne, est infiniment mince. Il n'y a Oh. aucun bénéfice à faire ça. Ça aucun. Puis encore là, on s'entend, le nombre de véhicules potentiels sur la quantité de véhicules dans la vraie vie, là, regarde, c'est rien. C'est ça. Mais c'est pour prouver que ça peut être fait. Puis que tout ce qui a un accès Internet, un accès Wi-Fi, ça peut être hacké. C'est tout. Tout C'est simple que ça. ça. T'sais. Bon, c'est intéressant, mais Tesla est pas moins intéressant ou moins sécuritaire En tout. pour ça. Puis Chrysler non plus, là. C'est pas parce que vous avez. Puis Chrysler a émis un rappel pour le S'entend qu'entre Yukon ça X, et la clé de GM, il y a une différence. une petite affaire, tu sais. Oui. T'sais, même si vous ne faites pas installer votre patch la semaine prochaine pour votre voiture avec le Uconnect de Chrysler, là, pense pas qu'il y a un problème. C'est pas rush, là. Prenez-vous pas une journée de vacances pour aller au garage vous faire patcher l'auto. Vous vous ferez pas hacker sur le coin d'une rue ou à une lumière rouge. C'est pas vraiment de danger. Mon vieux rambleur a pas de problème comme ça. Non, toi c'est certain, t'es safe. Le Wi-Fi était loin d'être existé quand cette auto-là a été Wi-Fi, créée. c'est Ouais. le Hi-Fi, je ne suis même pas sûr que ça existait. Mais le Hi-Fi, c'est encore moins l'Internet. Donc, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Si les gens veulent vous rejoindre, comment font-ils cela? Martin Archambault. Martin@avec.ca. Puis ils peuvent aller voir le site de l'AVEC pour toute question sur l'univers de la voiture électrique. Bien sûr, c'est là pour les renseigner. Il y a un bon forum. Si vous avez des questions, ben ouvrez-vous un compte et allez discuter avec les gens. Ils sont très intéressants, très gentils et aussi plein de connaissances. Toi, Martin Sagala? Oui, ben justement, Martin Sagala sur la plupart des réseaux sociaux. Parfait. Toi, Jean-François? JF sur Twitter. Parfait. Moi, c'est Ascalazormo sur Twitter, à Podcast Auto pour le compte du Podcast Auto. On a une page Facebook qui est Podcast Auto. On a aussi une adresse courriel, lepodcastauto@gmail.com. Puis vous pouvez aussi me lire sur le blog de Kijiji à frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Là, je vais essayer d'avoir. Je sais pas s'il écoute, fait que je vais en parler pareil. Je vais essayer d'avoir Marc Bouchard sur le show dans les prochaines semaines. Marc a conduit la BMW i3, la i8, la Mercedes AMG GT, si je me rappelle bien. Puis aussi la nouvelle Mazda Miata. Fait que je pense qu'on va l'amener sur le show pour nous parler de ces petites merveilles-là. On va voir, ça devrait faire un podcast intéressant, là, mais je vais voir ses disponibilités, puis voir si je peux enregistrer quelque chose avec lui pour vous offrir ça, là. Mais il roule des affaires assez intéressantes. J'ai de belles voitures, là, cette semaine. Je suis dans une Hyundai Genesis coupée. Puis la semaine prochaine, je suis dans une Mazda Miata 2015, pas la 2016, la 2015. 2016, ça viendra peut-être plus tard cette année, sinon peut-être au printemps prochain. Mais tu sais, Mercedes AMG GT, Chevrolet i8, c'est quand même intéressant. Fait que je vais essayer d'avoir Marc sur le podcast pour parler de ça. Si jamais il peut pas, ben je vous ai rien dit. Donc là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette autre émission du podcast auto. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye. Bye. Bye.